deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire du Nord et du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, le documentaire. Après vous avoir parlé hier de la figure de l'ouvrière communiste déportée et féministe Martha Desrumaux et plus largement de la culture ouvrière dans le Nord et le Pas-de-Calais, et avant demain de nous interroger sur la réinvention d'une culture régionale du Nord de la France au XIXe siècle, le documentaire de ce mardi, signé Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury, dresse le portrait de Mamadou Ndiaye, sénégalais arrivé à Roubaix dans les années 30, devenu boxeur puis chiropracteur, figure célèbre du quartier du Pil de cette ville de Roubaix. Un portrait surprenant qui part de quelques idées reçues sur le personnage pour arriver à une figure kaléidoscopique de Mamadou grâce aux témoignages de Germain Hirsel, Bruno Godichon, Bruno Renoul, Jacques Zenvoort, Yolanda Vitiello, Ali Rani, Sérigné Diop, Moussa Konaté, Mohamed Djemal, Jean-Pierre Mégins, Michel David et Achiel de Vist. Mamadou, c'est vrai que c'était quelqu'un de très très connu et qui a fait beaucoup de bien. Très gentil, très poli, tout. Ah ouais. Mon père était un ouvrier de l'usine à la gare du Pil et il allait occasionnellement se faire masser. C'était le toubib du quartier qui redressait le dos, qui faisait du bien là où ça faisait mal, quoi. Comme tous les rebouteux, on a essayé de lui interdire sa pratique. Je pense pas qu'il était en prison quand même. En fait, une cousine à moi, après qu'elle a eu des enfants, elle a été fort malade, elle était paralysée complètement du dos, qu'elle ne savait plus marcher. Donc elle a été chez Mamadou et en 2-3 fois qu'elle a été se faire soigner, elle était guérie. Et ce vitrail, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Je l'ai vu chez lui, ça, je connais. Il lui a été offert par une... Je ne me rappelle pas exactement si c'est une princesse ou si c'est une marquise. Une marquise, voilà. Une femme notoire en Belgique. Parce qu'il l'a soigné, il lui a fait... Il était dans sa salle d'attente. Il était dans sa salle d'attente, oui. Dans sa salle de soins, oui. Si, je connais. Du ring à la piscine, l'histoire de Mamadou, le Roubaisien. Victor Massé de Lépinay, Anne Fleury. C'est un objet assez étonnant. Bon, alors, déjà, c'est pas une peinture, c'est pas une sculpture, c'est un vitrail. C'est un objet très coloré, on a ce personnage au milieu en costume. Qui ne regarde pas le spectateur, incongru presque, parce que les vitraux en général on les trouve dans les églises, on les trouve dans les chapelles. Alors il y a une personne qui, en commandant ce vitrail, a voulu faire de Mamadou un saint. Et c'est ça que je trouve aussi très étonnant dans cet objet. Bruno Godichon, vous êtes conservateur en chef de ce musée La Piscine de Roubaix, où vous nous accueillez aujourd'hui et où se trouve le vitrail de Mamadou. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pris la décision de le faire entrer dans les collections du musée ? Alors en fait, j'ai reçu donc un message de Germain Hirsel, qui est un de nos rabatteurs préférés, avec son père Daniel, c'est des amis du musée très fidèles à la piscine. Et puis ils ont, notamment par rapport à moi, un gros avantage, c'est qu'ils sont roubaisiens de souche. Que donc ce vitrail, quand ils l'ont vu dans un dépôt vente à Villeneuve-d'Ascq, je crois, leur a tout de suite dit quelque chose et je serais, moi, sans doute passé à côté parce que je n'étais pas à Roubaix à l'époque où Mamadou exerçait dans le quartier du Pil. Est-ce qu'on peut aller le voir, ce vitrail ? Oui, alors vous avez de la chance parce que finalement, ce qui n'est pas permis à tout le monde, on va pouvoir descendre dans les réserves et aller le retrouver. Il est enterré au cimetière de Roubaix, aux côtés de son épouse. Sur la tombe, une plaque en forme de livre ouvert indique, sur la page de droite, Alice Vianne, 1908-1972. Sur la page de gauche, Mamadou Ndiaye, 1909-1985, la panthère noire, boxeur, chiropracteur d'élite. C'est l'itinéraire de ce personnage haut en couleur que nous tentons aujourd'hui de mettre en lumière. Voilà l'objet. Donc c'est un petit vitrail qui fait environ 60 cm de haut, qui est légèrement cintré dans la partie supérieure, qui est un vrai vitrail, c'est-à-dire avec les éléments séparés par des plombs. C'est pas uniquement une plaque de verre peinte. Vous avez un portrait d'homme en gros plan au milieu, avec derrière un arbre fleuri qui pourrait ressembler à une sorte de baobab de dessin animé quand même un peu. Au-dessus de lui, un drapeau du Sénégal qui est donc sa patrie d'origine. Et une armoirie avec un lion, mais que moi je ne connais pas, je n'ai pas les compétences. Et puis donc en dessous du portrait lui-même, dans un cartouche vert, vous avez une dédicace au cher monsieur Mamadou qui m'a sauvé la vie, témoignage reconnaissant, la marquise. Voilà. Donc ce qui est le début d'une énigme quasi policière. Et voilà. Alors, très vraisemblablement, la partie du visage, enfin ça doit être vu peut-être par un verrier, je pense que c'est un transfert d'une photographie sur verre qui donne cet effet de grisaille, qui est une technique traditionnelle de la peinture de vitrail. Mais je pense que c'est ça. Et alors, dans cette mise en page qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, ça ressemble assez au travail des photographes de rue africains, cette façon de poser le personnage sur un fond préexistant. Et puis en même temps, la référence au vitrail, même religieux, est quand même très très nette, jusque dans la forme cintrée de la partie haute. Voilà. Germain Hirsel, est-ce que vous pouvez nous dire comment toute cette histoire a commencé ? Eh bien, je me rends régulièrement dans un dépôt-vente qui se trouve dans la métropole lilloise. J'y suis allé ce jour-là avec mon père et j'ai été interpellé donc par ce fameux vitrail, ce personnage noir, un vitrail avec un personnage noir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Puis après, ce qui m'a interpellé, c'est la dédicace que porte le vitrail. Et en fait, tout s'est éclairé, j'ai compris d'un coup de ce dont il s'agissait, puisque la dédicace parle d'un certain Mamadou. En fait, mon père était allé voir ce fameux Mamadou il y a très très longtemps. Il m'en avait pas raconté grand-chose, mais donc du coup, je savais qu'à Roubaix avait sévi un certain Mamadou. Et donc d'abord, j'ai montré ça à mon père. Et il me dit, mais oui, mais c'est dingue, c'est Mamadou. Évidemment, c'est lui. Je lui dis, mais écoute, t'emballe pas. On va d'abord essayer de voir si c'est vraiment ça. Donc bon, je travaille dans le milieu des musées, j'ai tout de suite senti que l'objet pouvait avoir sa place ici au musée de Roubaix, à la piscine. En même temps, bon, je suis pas chargé du projet scientifique et culturel du musée, et donc je me suis dit, bon voilà, j'en fais une photo, ce soir j'envoie un mail au conservateur Bruno Godichon, et puis on verra ce qu'il en dit. S'il est intéressé, il sera toujours temps de revenir le chercher. On en reste là. Le soir même, j'envoie le mail à Monsieur Godichon, qui me donne des nouvelles très vite en disant « Oui, ben, on est intéressé. Je ne prends pas pleinement conscience de l'impact que ça va avoir, mais je sens quand même que l'objet est intéressant. » Et alors, le lendemain soir, j'ai des nouvelles de mon père. Je vais le voir pour reparler de ça. Et j'arrive chez lui, et là, je vois le vitrail au milieu de son salon. Et en fait, il avait trouvé que c'était tellement extraordinaire comme objet que le lendemain matin, il était à l'ouverture du dépôt-vente et qu'il avait acheté surtout pour ne pas perdre ce vitrail, pour pas qu'il puisse aller ailleurs qu'au musée de Roubaix. Donc il avait vraiment perçu, lui, tout de suite, que ça avait évidemment sa place ici. Un vitrail à l'effigie de Mamadou Ndiaye, une figure roubaisienne du siècle dernier. Guérisseur très populaire dans les années 70, il comparut devant les tribunaux plus d'une vingtaine de fois pour exercice illégal de la médecine. Défendu à l'époque par André Diligent, le futur maire de Roubaix. France 3, Hauts-de-France, 11 octobre 2017. Reste à découvrir l'origine de ce vitrail et qui est son auteur. Des recherches sont en cours au musée de la piscine. L'œuvre, quant à elle, y sera exposée dès l'automne 2018. Alors, pour le moment, il faut bien dire quand même que ça a été un effet médiatique inattendu. Je pense que c'est l'acquisition du musée, en tout cas depuis que je suis là depuis 30 ans, la plus médiatisée. Donc du coup, c'est assez confortable parce que c'est vous, les journalistes, qui faites tout le travail et puis nous, on en cueille les fruits. Bon, il se trouve qu'il y a quelques années, il y avait déjà eu un petit texte dans cette revue formidable qui s'appelle Pierre et Jean de Roubaix, et donc l'organe de la Société d'émulation de Roubaix et la Société historique locale, sur le personnage. Cette compilation qu'avait faite Michel David est un peu la base du départ. Il y a déjà un journaliste qui a rencontré un témoin de la vie de boxeur de Mamadou Ndiaye, donc, ce qui me donne déjà un écho sur cette partie, puisque donc, c'est le début de sa vie à Roubaix. Et puis j'ai déjà discuté avec quelques personnes. L'ancien adjoint à la culture de Roubaix, Jean-François Boudaillé, avait un oncle médecin qui avait témoigné pour Mamadou Ndiaye au procès, c'est-à-dire contre l'ordre des médecins, quelque part, à l'époque. Et donc voilà, tout ça crée un faisceau d'informations qui rend le personnage attachant, sympathique, et puis une vraie histoire qui va plus loin que ce qu'on imaginait au début, parce que bien évidemment, avoir des pratiques médicales qui ne sont pas des pratiques académiques françaises pour quelqu'un qui est issu de l'immigration, c'est aussi une façon de poser le regard de la France constituée, entre guillemets, sur ces personnes issues de l'immigration. Bruno Renoul, vous êtes journaliste à La Voix du Nord. Nous sommes ici dans les locaux roubaisiens de ce journal. Et c'est vous qui avez sorti l'information de ce vitrail retrouvé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes intéressé à toute cette histoire de Mamadou ? J'ai enquêté sur les traces de Mamadou. Et j'ai demandé à nos archivistes de retrouver des articles sur ce monsieur. Et on a retrouvé profusion d'articles. On avait dû écrire une dizaine d'articles, je pense, sur ce monsieur. Donc alors, je me suis dit qu'on tenait une bonne histoire, comme on aime en raconter en presse régionale. Pour la petite histoire, l'archiviste du journal qui nous a retrouvé les photos de Mamadou, lui-même, m'a raconté que sa maman ou son papa, je ne sais plus, avait été guéri par Mamadou. Donc voilà, le souvenir est vraiment très vivace et on a reçu des dizaines de courriers de lecteurs et c'est pas tous les jours. C'est une figure roubaisienne bien connue qui vient de disparaître en la personne de Mamadou, décédé à l'âge de 75 ans des suites d'une maladie qui l'avait immobilisé depuis plus d'un an. Installé à Roubaix en 1931, Mamadou aura exercé pendant plusieurs dizaines d'années la chiropractie, guérissant des milliers de malades qui venaient chaque année lui témoigner sa reconnaissance lors d'une messe d'action de grâce célébrée au Très-Saint Rédempteur. Il aura comme guérisseur été cité 22 fois en justice et de nombreuses fois condamné symboliquement. Fait unique dans les annales judiciaires, lors de sa dernière comparution en 1972, le chiropracteur roubaisien, prévenu une fois de plus d'exercice illégal de la médecine, guérissait la greffière d'audience dans l'enceinte même du tribunal, après la mise en délibéré. Deux semaines plus tard, Mamadou était condamné à une petite peine d'amende de principe. Nord et Clair, 16 janvier 1985. Il y a néanmoins beaucoup de zones d'ombre qui demeurent autour de Mamadou d'une part, mais surtout autour de ce vitrail qui a été donc donné au musée de la piscine à Roubaix. Est-ce que de votre côté, vous avez avancé un peu dans l'enquête ? Effectivement, il y a un mystère autour de ce vitrail puisqu'il est signé d'une mystérieuse marquise dont on ne sait pas vraiment de qui il s'agit. Moi, j'ai réussi à rencontrer la personne qui possédait le vitrail avant de la vendre à ce dépôt vente dans lequel le musée La Piscine l'a racheté. Et donc cette dame qui habite à Ouattrolo m'a raconté avoir acheté ce vitrail dans une vente aux enchères qui a été organisée suite à la mort de Mamadou. Donc tous ces biens ont apparemment été mis en vente à la salle des ventes de Roubaix. Elle, son mari, avait été guéri par Mamadou. Il avait eu une entorse qui l'empêchait de marcher. Et Mamadou lui a permis de marcher de nouveau normalement. Et donc, ils se sont fait un devoir de racheter non seulement ce vitrail, mais également trois autres tableaux représentant Mamadou à différentes époques de sa vie. En revanche, effectivement, on ne sait pas qui a commandé ce portrait, dans quelles conditions. J'ai entendu dire qu'éventuellement, il aurait pu être réalisé par un artiste sénégalais. Parce qu'apparemment, l'art du vitrail est très populaire au Sénégal. Mamadou est d'origine sénégalaise également, donc il y a cette piste qui est suivie par la société d'émulation de Roubaix. Nord et Clair, 6 août 1952. À diverses reprises, il avait annoncé son intention de retourner dans son Sénégal natal. Mais jamais jusqu'à présent, il n'avait mis son projet à exécution. Cette fois, c'est bien décidé. Mamadou s'en va à Dakar, aujourd'hui même, retrouver ses vieux parents qu'il n'a pas vus depuis plus de 30 ans. En effet, il n'était encore qu'un petit négrillon lorsque le 24 mars 1922, il s'engagea comme mousse sur un navire ancré dans le port et partit à l'aventure. Depuis, Mamadou a vieilli. Sa gentillesse, sa serviabilité lui ont attiré de nombreuses sympathies. Dernièrement, toujours à Roubaix, il s'est marié. C'est pourquoi il n'est nullement question pour lui de partir sans espoir de retour. Ce qui était intéressant aussi, c'était au-delà de la géographie qu'on peut en faire aujourd'hui, au-delà du guérisseur et de tout ce que la formule peut avoir de magique, ce qui était intéressant aussi, c'était de reconstituer factuellement ce qu'avait été la vie de Mamadou. Et ça, pour ça, la presse locale a été assez intéressante. Il est arrivé à Roubaix, semble-t-il, en 1933. Il a vécu de petits boulots, il a été serveur, il a travaillé pour la ville de Roubaix, j'ai appris ça, il a travaillé au cimetière de Roubaix. Mais parallèlement à cela, il était aussi boxeur. L'égalité de Roubaix-Tourcoing, 1er décembre 1935. Pour sa troisième réunion, qu'il a fixée au dimanche 6 décembre, le Boxing Club Nordiste, 77 rue de Flandre à Lille, a une fois de plus établi un programme de choix. La vedette a été confiée à Descamps, qui rencontrera à cette occasion le nègre Mamadou. Descamps, au cours de ses dernières sorties, a accusé de si nets progrès qu'il semble bien de taille à l'heure actuelle à s'imposer définitivement. La rencontre de dimanche ne manquera pas de nous fixer à ce sujet, car Mamadou, par ses matchs nuls avec l'Isbergois Desmet et le Belge De Vint, et ses victoires sur le Corse Kid Boss et les Belges Fourneau, Mesdac, etc., a suffisamment prouvé qu'il était parfaitement susceptible de stopper l'ascension du Lillois. Il est affublé du surnom de Panthère Noire, c'est la Panthère Noire. On le qualifie de nègre des colonies françaises, on l'appelle le nègre Mamadou, l'acrobate Mamadou ou le sympathique sénégalais Mamadou. Alors il a peut-être laissé une empreinte importante au niveau de sa réputation, mais c'était pas un immense boxeur non plus. Les statistiques le confirment, mais on y trouve plus de défaites que de victoires malgré tout. Et donc ça s'est fait un peu comme ça, de fil en aiguille, mais en fait les sources écrites sont assez rares, jusqu'à ce que j'ai cru comprendre qu'un livre avait été écrit sur le sujet. Et donc là, je me suis mis en quête de ce livre. Alors c'est un livre très très rare, pas évident à trouver, mais bon, en furetant un peu sur tous les sites internet possibles et imaginables, j'ai fini par en dénicher un exemplaire au fin fond de la Belgique, un livre en flamand. Et donc, pour cette émission, je me suis amusé à en traduire certains passages ce week-end. Et le fait d'en parler, là, ben, on se rend compte que beaucoup de monde, en particulier à Roubaix, était familier de Mamadou. Et j'en ai parlé pas plus tard qu'il y a quelques jours à un oncle qui m'a dit « Mais oui, mais je suis allé voir aussi Mamadou, ça devait être au début des années 70. » C'était un lundi, je crois. Jean-Pierre Mégins. Je m'étais assoupi dans mon canapé, mais assoupi, assis. L'oncle de Germain Hirsel. Et quand je me suis relevé, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger. J'étais bloqué. Donc, pour moi, il s'agissait d'un limbago. Et là, ce sont des proches qui m'ont dit, mais il faudrait aller voir Mamadou. Si tu peux pas rester comme ça. Puis le médecin, je sais pas ce qu'il pourra faire pour toi. Va donc voir Mamadou. Je dis, bah oui, mais Mamadou, c'est quoi? C'est où? Alors, on me dit, c'est Place du Pile, qui est la place Carnot, son vrai nom, mais nous on l'appelait la place du Pile, le Roubaix besogneux de l'époque. Et donc j'y suis allé sans rendez-vous. Alors comment j'ai trouvé le cabinet entre guillemets de Mamadou Ndiaye? Simplement parce qu'il y avait un petit attroupement de gens qui attendaient de pouvoir rentrer. Je me suis assis péniblement dans son cabinet, dans la salle d'attente. On était peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes, de patients, hein, si on peut dire. Et en passant devant moi, monsieur Mamadou Ndiaye, que je ne connaissais pas, mais naturellement je l'ai reconnu puisqu'il s'agissait d'un Africain sénégalais, je pense, ou un grand gaillard d'une soixantaine d'années, aux cheveux crépus, courts et grisonnants. Et en passant devant moi, il me dit « Oh, toi !» Tu t'es endormi dans ton fauteuil hier. Alors j'étais un petit peu, comment dire, subjugué. Je me dis, enfin, il y a de la sorcellerie là-dessous. Alors, bon, premier abord, ça fait drôle. Ensuite, quand vint mon tour d'être soigné encore entre guillemets, parce que la méthode de Mamadou était du genre empirique, mystique, brutale, hein, mais enfin efficace. Il m'a dit de me mettre debout devant lui. Il m'a mis un genou dans le bas des reins. Il m'a tiré par les épaules, ça a craqué. Et il dit, voilà, c'est terminé. Alors, mystique, très mystique. Je suis chiropracteur, mais c'est par la grâce de Dieu. Et c'est grâce aussi à Madame Mamadou, levant les yeux au ciel, plein de larmes. Il était mystique, il était habité, ce monsieur. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, au moment de payer, je dis, je vous dois quelque chose. Alors, il dit, tu donnes ce que tu veux. Mais bon, il y avait quand même un prix plancher. Je me souviens plus lequel. Donc, j'ai payé. Il dit, mais avant de partir, tu vas signer le livre d'or. Oh, parce qu'il y avait un livre d'or sur un pupitre. Et il m'a dicté ce que je devais écrire. Hein, bon, d'abord, tu mets ton nom, ton prénom, et puis tu dis, je souffrais du dos, d'un mal de dos, et Mamadou m'a guéri en une demi-seconde. Je dis, ah bon, une demi-seconde? Il dit, oui, j'y tiens beaucoup, c'est une demi-seconde. Donc j'ai écrit ça. Mais ce n'était pas fini. Et le parcours initiatique continuait parce que il m'a emmené, il m'a pris par la main pratiquement pour m'emmener dans une espèce de réduit. Et là, il m'a dit, tu vois, ça c'est mon trésor. C'est le musée de Mamadou. Alors, un amoncellement de fauteuils roulants, d'emplâtre, de prothèses, de toutes sortes de choses qui étaient censées avoir appartenu à ces patients délivrés de leur mal, finalement. Puisque le fauteuil restait là, les prothèses restaient là, les corsets, les emplâtres, vous savez, comme si une jambe cassée pouvait la réparer. Donc, il y avait un peu de cinéma, hein, il faut reconnaître, c'était... Mais voilà, donc c'était mon expérience avec M. Ndiaye. C'est peu dire qu'elle est calme, la place Carnot, la grande place du Pil en ce mardi matin de décembre. Peu de passants, quelques voitures garées, plusieurs maisons murées. C'est le cas du numéro 20, mais pas du numéro 22, où officiait Mamadou et qui semble encore habité. Personne ne vient ouvrir. Nous enquêtons, porte à porte. Bonjour. C'est pourquoi ? Vous êtes Madame Zedvoort ? Oui. C'est les gens de la pharmacie qui nous ont... Ah bon ? Conseillé de venir vous voir. Parce qu'on est en train de faire une petite enquête pour la radio sur Mamadou Ndiaye qui habitait... Oui, Mamadou. Qui habitait là. On cherche des gens qui se souviennent un peu de lui et qui pourraient, très bien. Qui pourraient nous raconter. Oui, parce que le parrain de mon mari, il s'occupait de ses pigeons. De ses pigeons ? Ah, Mamadou. Oui, il y avait des pigeons, là. Et c'est lui qui s'occupait de ça. Oui. Ah ben, vous pouvez rentrer, hein. Ah ben, merci. C'est mieux. Jacques, il y a du monde. C'est des messieurs pour poser des questions. Attends, des questions pour Mamadou. Oh, mon Dieu. Après. Mamadou. C'est mieux, ça. Ben, je l'ai connu. Mamadou, ça a été un des premiers, on va dire noirs, hein, bon, habité Roubaix. Au début, c'était un boxeur. C'était un boxeur et par la suite, il s'est mis, on va dire le mot, chiropracteur. Sans licence, sans rien. Et il est vrai qu'il y a remis sur pied pas mal de monde. Mais ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'on l'a abîmé pas mal. Eh ouais. Ah ouais. Et un jour, j'en parle parce que c'est mon docteur traitant qui est décédé maintenant. Un jour, il fait une ordonnance pour Mamadou. Et à la Noël, il reçoit une caisse de champagne. Avec un mot de remerciement, Mamadou, pour les clients qu'il lui avait envoyés. Mais quand ses collègues, à mon docteur, y a su ça, ils se sont dit, surtout, ne recommence jamais plus ces conneries-là. Il dit, parce que tu vas passer au tribunal. Et Mamadou, il y a eu énormément de problèmes. Mais malgré tout, par la suite, si vous voulez, les docteurs, tout le monde lui a foutu la paix, parce qu'il est vrai. Il a sauvé beaucoup de monde. Surtout les Belges hein, qui venaient ici en pagaille. Il y a l'église là, Saint-Rédempteur. Quand ils faisaient une messe, Et oui, il faisait une messe de malade. Hein. Il y avait des gens qui étaient là sur le parvis, qui n'avaient plus de place pour rentrer. Parce que dans le temps, le pile, c'était pas ce que c'est maintenant. Hein. Le pile, c'était vivant. Hein. Ah ouais, il y avait des commerçants partout. Après la guerre, il y avait des soirées dansantes. Il y avait des bals populaires et des concours de chant. À chaque quartier, ma sœur, moi, est un soprano léger. Et elle aurait pu continuer sa carrière. Seulement, comme elle était fiancée, son fiancé lui a donné à choisir. Et parce que, bon, vous savez comment ça va, si on veut devenir quelqu'un. Et alors, Mamadou... Et alors, Mamadou, pour revenir à Mamadou, il y a un autre phénomène. On dit Mamadou, c'est un des premiers noirs hein, qui est venu en France. Je vais vous raconter une anecdote. Il n'était pas seul. Enfin, pas seul. Ils ne vivaient pas ensemble. Mais il y avait une autre noire qui avait une maison de passe qui s'appelait Rita et qui était rue... Ah, c'est une petite rue du chemin de fer, je crois. En face de chez Dubus. Dubus, c'était un entraîneur de boxe. Hein, d'ailleurs, l'effigie de mon père est encore là. Mon père était boxeur aussi. Et les boxeurs, donc tous les dimanches matins, j'étais gosse, j'allais voir l'entraînement des boxeurs. Et comme c'était un bistrot, c'est arrivé à plusieurs reprises que les gens qui payaient n'avaient pas de monnaie. Alors Dubus me disait, tiens Jacques, va en face chez Rita demander de la monnaie. Alors, je peux dire que j'étais très jeune au bordel. Non mais c'est vrai, hein. Mais dire que j'ai jamais vu avec Mamadou, hein, attention, hein. Mais c'était pour dire que Mamadou, c'était un des premiers noirs qui était par ici, mais Rita aussi. Mamadou, c'est une figure du quartier. C'est une figure du quartier, hein. Serigne Diop, vous êtes président d'une association qui s'appelle la CRAO, la Communauté des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Donc je me suis tourné vers vous pour en savoir un peu plus sur Mamadou Ndiaye. Est-ce qu'il a laissé un souvenir pour les Africains ou les personnes d'origine africaine à Roubaix ? Enfin, moi je ne l'ai pas connu du tout. Quand je venais en France, lui il était déjà plus de ce monde. Donc je l'ai connu plus à travers l'article qui est apparu dans Nord Éclair. On disait l'homme aux multiples guérisons. Voilà. Et c'est là où, quand on a vu l'article, on a essayé de vulgariser l'information en disant qu'on a quelqu'un qui est de la communauté, qui était de Roubaix, et qui a fait des choses ici. Et donc ça valait le coup d'exploiter ça pour parler de devoir de mémoire. Et on a essayé de voir les anciens, comme on les appelle, les vieux, qui sont là depuis les années 60-70, qui sont là depuis un bon moment, qui ont de bons souvenirs sur lui. Donc on nous a parlé d'un ancien. Moussa Konaté, voilà. Et Moussa Konaté, vous êtes là avec nous. Alors vous, vous avez connu Mamadou Ndiaye, vous avez boxé avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles années c'était ? 1966. Et j'ai chez lui, j'ai fait la boxe. Il m'a appris beaucoup. Et alors, il n'y a que ça, j'ai fait combien de combats chez lui ? J'ai fait 18 combats. Très bon, je suis à Paris, je venais, je descends au foyer, après je suis parti Mamadou. Mamadou, il m'a traîné, je fais 18 combats, après j'ai arrêté avec Mamadou. Bon, je vais arriver au foyer, donner bonjour, ça va, et de pourquoi tu m'as quitté? Bon, je dis j'ai quitté, et je pars à Tourcoing, je fais ma carrière là-bas, après je fais 1979, j'ai arrêté la boxe. Alors, je connais Mamadou comme ça. Et quand vous dites que vous avez fait 18 combats chez lui, ça veut dire qu'il était une sorte de manager? Manager, oui. C'est lui qui m'entraîne. C'est lui qui organise des combats. C'est lui qui me fait des combats. Il me traîne quoi, bien. Alors, c'est chez lui. Pendant un moment, après, j'ai quitté. On a toujours tendance à mettre en valeur les difficultés, l'esclavage en Libye, les trucs. Mais il y a des choses aussi qui sont positives. Et quand on voit qu'il y a quelqu'un qui vient du fond du pays et qui arrive ici et qui s'implique, qui organise des gens, qui guérissent des gens. Mais ça, on ne peut que saluer. Ça montre qu'on n'est pas toujours dans l'assassinat. C'est dans ce cadre-là que Moi, aujourd'hui, en tant que président de l'association des Sénégalais, Mauritaniens, tout ça, de Krao, j'apprends quelque chose auprès de lui aujourd'hui qu'il faisait la boxe. Donc, je ne savais pas du tout. Voilà. Donc là, quand je vais le voir ailleurs, ça pourra me permettre de dire qu'on a ici quelqu'un qui mérite aussi d'être entendu, d'être écouté, d'être vu, parce que malheureusement, dans la génération ici, on ne connaît pas. Voilà. Et le gros problème de la communauté africaine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. On ne sait pas les uns et les autres ce qu'ils font. Donc, moi, je ne connaissais pas Mamadou, mais en tout cas, le prétexte de Mamadou nous fait que aujourd'hui, je me rapproche de Moussa Konaté, et par là même, je suis fier aussi de pouvoir parler de Mamadou, parce que dans la semaine sénégalaise, la 20e qu'on organise en avril, on va organiser une exposition autour de lui pour dire aux autres qui sont d'ici et les autres qui sont de l'Afrique qu'il y a un monsieur qui était là et qui mérite respect. Alors Michel David, vous êtes l'auteur dans ce journal Jean et Pierre de Roubaix du premier article sur Mamadou, peut-on dire, après sa mort en tout cas, premier article qui raconte un peu sa vie. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce personnage ? Oui, moi à l'époque, l'article est de 2007, hein, donc moi j'étais encore directeur général adjoint à la ville de Roubaix, et parmi mes attributions, donc il y avait la relation avec de nombreuses associations, notamment sur le thème de intégration, discrimination, interculturalité, etc. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est pas le fait qu'il soit converti au catholicisme, marié avec une roubaisienne non sénégalaise, c'est cette dimension d'éducateur, c'est-à-dire la compréhension par un homme qui avait ses singularités, qui avait une mission importante qui était la formation, l'éducation des jeunes. Parce qu'il aurait pu faire une carrière finalement de guérisseur, un peu comme ça, gagner peut-être pas mal d'argent, je sais pas. Mais il s'est occupé de transmettre son savoir de boxeur, de se servir de ça pour faire un travail d'éducation des jeunes. Et quand vous regardez les associations de boxe aujourd'hui à Roubaix, il y a des grands boxeurs, hein, roubaisiens, mais quand vous parlez aux gars, ils vous parlent un peu des champions, mais surtout du boulot qu'ils font avec les gamins. Ne te laisse pas sur les estomacs, ne te laisse pas sur la colle. Du gauche, ne touche pas, gauche, de gauche, à gauche, oui, à gauche, oui, ne touche pas. Alors, Mohamed Jamal, oui. Racontez-nous un peu quel boxeur était Mamadou, dans quel cadre vous l'avez connu. Moi, c'était mon entraîneur. Je suis arrivé à Roubaix le 1er janvier 1966. Je venais d'un autre club, je suis venu de Condé-sur-Escaut. Et c'est là que le premier jour que j'ai connu Monsieur Mamadou, c'est un monsieur, c'est même pas un entraîneur, c'est un professeur. C'est une personne hors du commun. Et dans le niveau de boxe, c'est un monsieur. Moi, nous, on a un très grand souvenir de lui parce que c'est un monsieur qui était très généreux. Il nous donnait de l'argent. Il mettait sa main dans sa poche et il sortait ce qu'il y avait dans. Vous le mettez dans la poche. Vous comprenez, moi, combien de fois il m'a donné des sous comme ça. Et puis tout le monde le connaît. Toute la Belgique le connaît. Il y a Besson. Quand on arrive à la douane, quand on est le boxeur, à Dunkerque ou machin, on revenait par la Belgique, on avait la douane. Les douaniers le connaissaient. Tout le monde le connaît. C'est pas que les douaniers, tout le monde le connaît. Toute la Belgique le connaît. Vous, il vous a manipulé quelquefois, il vous oui, a un peu. J'avais mal ici à la fesse. Une fois que je m'assois, je ne sais plus me lever. Lui, je sais dire, plus jamais j'ai eu mal jusqu'à aujourd'hui. C'était Place Carnot qui vous a guéri ou c'était dans la salle non, de boxe ? Non, c'est dans un vestiaire de boxe. Et cette photo-là qui est dans ce livre sur Mamadou, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est sa femme, ça. J'ai connu sa femme. J'allais chez lui, j'allais à la maison. C'était mon entraîneur, c'est comme un père. Et si des fois, il me trouvait en train de parler avec une fille ou n'importe quoi, il me donnait une claque. Derrière l'oreille, il dit qu'est-ce que tu fais là, tu vois, il nous guettait un peu dans la ville. C'est comme, je vous dis, c'est comme un père pour nous tous, les boxeurs, c'est comme un père. Mais c'est quoi ce livre? Qui a écrit, je sais pas. C'est un monsieur belge qui a écrit ça. Ah oui, parce que j'ai pas à ma connaissance ce livre. Donnez-moi les Je vais l'acheter. Ce livre qui surprend et intrigue tous ceux que nous interrogeons s'appelle « Mon ami Mamadou ». Grand format, couverture toilée, richement illustré, il est paru en 1980 en flamand mais aussi en français. Nous partons maintenant en Belgique, près de Gand, interroger son auteur, Achille de Vuist, qui semble être le témoin clé pour qui veut mieux connaître la vie de Mamadou. Toute l'histoire, c'est parti en Sénégal. Hein. À notre voyage de Sénégal, on a détecté que la maman de Mamadou faisait les impositions des mains déjà. Puisque vous êtes allé au Sénégal avec Mamadou ? Oui. Oui, on était voir toute sa famille, parce qu'on ne peut pas écrire sur une personne quand on n'a pas connu son origine. Qu'est-ce que vous avez appris sur ses parents, peut-être ses frères et sœurs ? Mamadou, il disait toujours, mon père a vendu des esclaves. Il a fait du mal, mais moi, je vais faire autrement, je vais faire quand même quelque chose de bien avec ça. Et tout ce qu'il gagnait aussi à Roubaix, il redonnait ça, il expédiait ça à sa famille à Sénégal. C'était toujours son but aussi pour aider la famille. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Achille de Vuist, comment vous avez rencontré Mamadou ? Oui. Koun est né en 1969. Après l'accouchement, il hurlait tout le temps. On l'a examiné par un professeur qui était vraiment renommé et il dit il ne manque rien. Quand il a eu deux ans, il y a quelqu'un ici à Wettern qui a visité Mamadou à cause de sa fille qui était aussi paralysée que Mamadou a aidé. Et elle nous disait, et pourquoi est-ce que tu ne vas pas aller chez Mamadou, il va lui guérir. Mais je dis, Mamadou, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais c'est à Roubaix, hein? C'est un chiropracteur. Hein? Oui, un chiropracteur, qu'est-ce que c'est? Enfin, dans ce temps-là, on ne savait pas. On a demandé des informations à notre médecin de famille et lui, il disait, tu ne vas pas aller là, tu es fou. Parce que madame a dit, il faut avoir une attestation du médecin pour aller lui voir. Et nous avons cherché. Oh. J'ai beaucoup de médecins, ils ont tous refusé. Et à un certain moment, on allait chez un médecin ici à Wettern et lui a dit, ah oui, il faut aller avec ton fils chez Mamadou. Je dis, quoi? Tu es pour? Tout le monde est contre. Ah non, il a dit, il a guéri ma mère du sciatique. Ah, tout de suite, je vais vous donner le billet. Alors, nous, très contents d'aller voir Mamadou. C'était un samedi, je me rappelle très bien. La salle était pleine, devant sa porte c'était plein. Je dis, qu'est-ce que c'est ici? À notre tour, nous sommes rentrés et Mamadou dit, ah voilà, tout le monde doit s'asseoir, je vais faire quelque chose de miraculeux ici. Non, laisse, prends les pieds. Lève. Du Père, du Fils Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Monsieur Raïpelle et télévision, là, voilà. Si le docteur est capable de faire la même, qu'ils font la même sauce. Il y aurait moins de malades. Mais ils ne font pas. Voilà. Il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce que cet enfant a fait, monsieur Mamadou? Il avait le cinquième sacrum déplacé. Depuis sa naissance. Tout simplement. On l'a fait tout. Son papa, il va vous l'expliquer. Moi, je ne sais pas vous l'expliquer. Alors il a pris Koun sur sa tête, il a remis le cinquième lambert et maintenant il nous donne Koun et Il disait, maintenant, il est guéri, mais ce n'est pas encore soudé. Le vertèbre doit se souder. Si vous étiez venu au moment même, après la naissance, quelques jours, mais maintenant, tu es venu trop tard, je ne peux pas tout faire maintenant. Mais je vais faire tout mon possible. Alors, la première chose qu'on a vue, qu'il était fort changé, qu'il ne pleurait plus, parce qu'il n'avait plus de mal. Hein. Et on est retourné presque tous les 15 jours, pendant 4 ans déjà, on voyait toujours des améliorations. Et ça, c'était... Enfin, ça, c'était très chic. 23 000 attestations en faveur de Mamadou, le spécialiste des vertèbres. Mais il a fallu évacuer le tribunal de Lille. Nord et Clair, 19 avril 1967. Ils sont venus d'un peu partout, du nord, de la Sarthe, de Paris et surtout de Belgique. Ils sont bien 2 à 300, presque tous des clients venus encourager Mamadou Ndiaye. Ce chiropracteur roubaisien n'est pas médecin. Poursuivi pour exercice illégal de la médecine, il comparaissait hier devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lille. Le président interroge. Vous a-t-il dit quelque chose sur votre mal? Qu'a-t-il fait? La dame répond. Il m'a dit que cela venait de ma 5e vertèbre lombaire. Alors il me l'a manipulé dans le dos. Une autre a eu la chance de voir ses cheveux repoussés sur son crâne après l'intervention du guérisseur. Une femme se présente avec les béquilles de son fils. L'avocat du syndicat national des ostéothérapeutes se lève. Le texte du code de la santé est clair. La chiropractie ne peut être exercée que par les médecins. Cette phrase provoque un vaste remous dans le prétoire. Le président fait évacuer la salle pour permettre aux avocats de s'exprimer dans le calme. C'est Maître Diligent qui défend Mamadou Ndiaye. La plaidoirie ne sera pas longue, mais concise, précise. Il cite Hippocrate, Galien et Molière. Il note l'interprétation très large qu'on peut donner à la définition d'exercice illégal de la médecine. Nous avons plus de 23 000 attestations médicales, des milliers de lettres de remerciement. Mamadou Ndiaye a cru qu'il était de son devoir de guérir. Et guérir, est-ce discréditer la médecine? André Diligent et Mamadou, vous n'avez pas parlé directement, ni avec l'un ni avec l'autre, de ces procès, Michel David, mais ces deux personnalités avaient quelque chose, semble-t-il, qui était... C'est pas tout à fait un hasard si André Diligent a défendu Mamadou Ndiaye. Ah, complètement, je pense, oui. Alors d'abord, André Diligent, qui n'était pas un homme de gauche au sens de la filiation partisane, c'était un centriste, c'était quelqu'un qui s'était toujours pensé dans la logique sociale. Première chose. Deuxième chose, Diligent, dans les années 50-60, avait pris une position assez courageuse par rapport au conflit algérien qui avait ravagé Roubaix. Il était, on va dire, favorable à l'indépendance de l'Algérie, mais il avait aussi défendu les harkis. Il avait aussi défendu les résistants du réseau Voix du Nord contre le journal Voix du Nord, dont il estimait qu'ils avaient spolié les intérêts des résistants. Pour un homme politique, faire un procès à la Voix du Nord, c'était... il fallait y aller, quoi. On se faisait pas des copains, quoi. Donc, c'est un esprit indépendant, sensible à la population. Ça lui a valu d'être élu, hein, au bout d'un certain temps, d'ailleurs. Et enfin, il avait une très grande sensibilité sur les questions de l'immigration. Et donc, évidemment, c'est normal que tout ça converge vers une figure, je veux pas dire qui lui ressemble, mais il est dans un quartier populaire, il s'occupe d'éducation, de formation des jeunes, il est lui aussi, indépendant en tant que, voilà, exerçant illégalement la médecine, c'est une sorte de signe d'indépendance, et il met le bien, finalement, au-dessus de tout, y compris des lois. Diligent, il a ressenti vis-à-vis de Mamadou Ndiaye le risque d'une espèce d'injustice. C'est-à-dire qu'une justice, finalement, simplement obsédée par l'application du droit, ne tiendrait pas compte de la vérité profonde, historique d'un tel personnage, pour une population roubaisienne, sachant qu'il n'était pas, c'était pas le leader de la communauté noire, Mamadou. Il était une figure d'un quartier populaire. Et bon, donc ça, c'était, il y avait quelque chose, quasiment de dimension républicaine là-dedans, qui était assez intéressante. Mon père était caporal de l'armée française. André Diligent, au micro d'Achille de Vuist, 1978. Son père était caporal à Verdun, couvert de décoration, qui avait la médaille militaire et qui l'avait élevé dans l'amour de son pays, la France. Et Mamadou s'en s'est souvenu pendant la résistance, car nous avons à son dossier des certificats prouvant qu'il a fait partie de la résistance Sussex, qui dépendait du BCRA de Londres, et qu'il transmettait des renseignements précieux à la résistance. Tous les ans, il célèbre un office en souvenir du médecin qui lui a appris et qui lui a révélé son don. Et il faut voir l'église de Roubaix qui est pleine de monde. C'est cet homme que l'on poursuit aujourd'hui. Déjà il y a 2000 ans, on faisait le même procès à son maître Jésus, qu'on accusait d'être guérisseur. En réalité, si on suivait l'article 372 du Code de la Santé française, on pourrait, je crois, poursuivre n'importe qui. Alors vous avez écrit deux livres, Achille de Vuist, oui, qui sont là, dans lesquels il y a énormément de photographies quand même. Oui, j'étais toujours à son côté tous les samedis pour être interprète pour les Flamands, mais aussi pour lui donner un coup de main. Il vous a un peu finalement formé à cette discipline. En quelques mots, est-ce que c'était pour lui quelque chose de scientifique, de rationnel, de mécanique ce qu'il faisait, ou il y avait aussi une dimension spirituelle ou quelque chose de cet ordre-là? Oui, je pense que c'est le deux. Parce que par le mariage avec Alice, elle était très, très catholique, très. Mamadou s'est converti au christianisme. Et après, il était toujours Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Parce qu'il dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va vous guérir, ce n'est pas moi. Moi, je suis l'instrument de vous guérir. Et le matin, quand on venait le samedi, par exemple, avant d'aller manipuler les gens, il était assis, s'agenouillé sur sa chaise devant la statue de la Sainte Vierge. Il priait 5 minutes, 10 minutes. Et il disait toujours, maintenant je suis prêt. Achille, maintenant je suis prêt. Hein. Allez, laisse venir, entrez, entrez, monsieur, dame, je vais vous tous vous guérir. Hein. Oh, ce sont des périodes magnifiques. Ça. Le Seigneur a envoyé Mamadou pour nous soigner. Nous devons le remercier car sans lui nous serions affligés. Et de tous les coins du monde, on entend parler de lui, car lui c'est la charité, c'est notre vie. C'est ses mains qui nous ont soignés, c'est ses mains qui nous ont sauvés, car il est la vie, il sera toujours près de nous, notre sauveur de tous les jours. Donc Bruno Godichon, l'avenir de ce vitrail au musée La Piscine de Roubaix? Alors, il arrive évidemment à point nommé. C'était juste à temps, parce que 6 mois plus tard, ça aurait été difficile de faire la prise électrique, l'arrivée d'électricité pour l'éclairer. Donc, il est arrivé pour gagner son auréole dans le chantier. Dans l'agrandissement du musée, une très grande salle va être consacrée à l'histoire de la ville. Il y a deux parties, une partie qui est plus monumentale, qui va s'organiser autour d'un immense tableau qui représente l'inauguration de l'hôtel de ville de Roubaix en 1911. Et puis une partie plus Jean de Roubaix, en fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'on manque pas de portraits d'industriels, de quelques figures culturelles. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a quelques-unes. Mais cette ville, elle s'est constituée complètement sur le principe de l'immigration. D'abord flamande, longtemps, mais ensuite, plus on a avancé dans le temps, plus l'industrie textile a été cherchée loin des ouvriers, et loin des ouvriers, meilleur marché possible. L'histoire de Mamadou est quand même singulière, parce que visiblement, il n'est pas arrivé pour travailler dans le textile à Roubaix, mais il est une image de l'immigration, et en ce sens, il est évidemment formidable pour nous. Mais en plus, c'est, je dirais, une image réellement, définitivement optimiste. Il a apporté sans doute à la vie sportive locale, il a apporté de l'aide aux habitants. Puis on se rend bien compte, ce qui est si rare, c'est qu'il est d'un pays d'immigration, mais qu'en même temps, il est devenu une figure partagée par toutes les autres communautés, y compris sans doute les communautés d'origine de Roubaix. Ça, c'est quand même vraiment un élément évidemment formidable. Merci, merci, merci à tous. Merci à Yolanda Vitiello, Ali Rani, Mohamed Djemal, Jacques Zenvoort, Sérigné Diop, Bruno Renoul, Moussa Konaté, Jean-Pierre Mégins, Michel David, Germain Hirsel, Bruno Godichon et Achille De Vuist. Courage et confiance. Merci également à Marie Bouquet des Archives municipales de Roubaix, à Jacques Gézen et Denis Vinquier des Amis d'André Diligent, à Anne Lessieux de l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, à Pierre Boxtel des Archives de la Voix du Nord et au boxeur Pierre Duponchel. Il est venu sur une ambulance. C'est exact. Lecture Nathalie Canoui, prise de son Yann Fressy, mixage Pierre Henry. Couché par terre. Une seconde après, il marche. Et vous, Achille De Vuist, dans le livre que vous avez écrit sur Mamadou, vous dévoilez l'identité de la marquise. Ah oui, j'en ai eu des photos. Ça, c'était une rencontre, une fête chez la marquise avec son frère qui était notaire. Mais on sait comment elle s'appelle. C'est-à-dire que le notaire, c'est De Visser, c'est la sœur de lui. Ah oui, c'est ça. C'est Germaine de Visser. Ouais. Du ring à la piscine, l'histoire de Mamadou le Roubaisien, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury. Un documentaire à réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr, également à télécharger si vous le souhaitez. Demain, nous continuons et terminons, non, pas terminons, mais évidemment, nous continuons cette série sur l'histoire du Nord et du Pas-de-Calais en nous intéressant à la création d'une identité régionale dans cette région au XIXe siècle.